Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 25 mai 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 26 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Rebonsoir, c'est Martin Pelletier pour le libre journal de la liberté surveillée. En deuxième partie, c'est maintenant le club de la presse. J'accueille Camille Gallic. Bonsoir Camille. Bonsoir. Jeanne Smith. Bonsoir Martin, bonsoir Camille. Bonsoir. Et Jérôme Bourbon qui est en vadrouille quelque part mais qui va pas tarder. Alors, par quoi on va commencer? L'actualité, on va commencer par l'Autriche. Alors Camille, vous êtes une spécialiste de la politique étrangère. Oui, enfin. Je vous demande comment voyez-vous cette élection qui a vu la victoire du populiste Hofer sur les seuls bulletins mis dans les urnes, et puis la victoire sur le fil de Alexander van der Bellen. Oui, qui est passé de 21 à plus de 50%. Bah, grâce aux hospices de vieillards, surtout, quand même, parce que... Oh, je pense aussi aux Autrichiens de papier. Et voilà, les deux. Les Autrichiens de papier. Beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de Turcs et de Marocains naturalisés. Donc ça, l'immigration va à l'immigration. C'est maintenant clair. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'immigrés, ils votent pour une accélération de l'immigration. Puisque si bien entendu, passer, voilà. Bien entendu, mais on l'a vu avec l'élection du maire de Londres. Oui, qui a été élu avec l'énorme londonistan, les voix de l'énorme londonistan. Et c'est pour ça que je pense qu'il sera très difficile de réformer l'Europe, parce que les immigrés, comme tous les Maghrébins, les Haïtiens, etc., qui sont installés au Québec, sont pour l'État fédéral et ne veulent absolument pas de l'indépendance du Québec et foin de la francophonie, apprennent massivement l'anglais et se tournent vers tout ce qui est anglophone parce que c'est majoritaire. Je pense que ceux qui feront l'échec du Brexit, ce sont les immigrés de Grande-Bretagne. Et les Indiens, les Pakistanais, les West Indies, les gens des Antilles anglaises, etc., oui. Des Nigérians, etc. Donc d'une manière générale, pour en revenir à l'Autriche, ce qui a fait l'échec de la tentative identitaire, ce sont pour vous les non-identitaires. Les non-identitaires. Et puis il y a eu la mise en condition, enfin le soulagement indécent de toute l'Autriche est quand même très proche de l'Allemagne. Et l'Allemagne avait fait une campagne invraisemblable contre Hofer, dont je rappelle d'ailleurs qu'il porte un très beau nom, puisqu'il porte le nom de Andreas Hofer, le chouan du Tyrol, qui avait soulevé les Tyroliens contre Napoléon. Ah, voilà, encore une chose que j'ignorais, mais j'ignore presque. Ah ben, c'est Jean Sévilla, il lui avait consacré un joli livre. Ah, oh, il y a de cela 15 ans. A contrario, cependant, je regardais un petit peu l'actualité allemande, la montée du parti AfD, qui est un parti contre le fédéralisme européen et pour le renvoi des clandestins chez eux, a obtenu quand même un certain nombre de voix de la part des immigrés installés de très longue date, qui voient l'arrivée de alors en Allemagne particulièrement, de centaines de milliers incalculables d'immigrés d'un mauvais œil. Plus d'un million, on ne sait pas combien. Ah oui. Probablement plus, mais certainement plus d'un million. Ils voient ça d'un assez mauvais œil, parce que ce sont eux qui sont embarqués dans la même réprobation populaire qui est là quand même. Donc je ne sais pas si c'est absolu. C'est sans doute vous une parlez question... alors des résultats des dernières régionales en Allemagne, les quatre Länder. Voilà, qui ont... voilà. D'accord. Alors, voilà que Jérôme Bourbon nous a rejoint. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Vous avez fini vos mondanités. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Comment voyez-vous cette, l'élection quand même en Autriche. Autrichienne qui a quand même fait beaucoup parler parce qu'elle est... Oui. Visiblement, le système a eu un peu peur quand même. Un peu, hein. Oui. Donc, il y a plusieurs éléments. D'abord, comme ce qui a été dit précédemment, en effet, il y a le rôle des immigrés. Il y a 600 000 musulmans mahométans en Autriche. Et effectivement, ils ont voté massivement pour le candidat des Verts. Ce qui se passera d'ailleurs en France, si jamais il y avait un candidat patriote ou populiste au second tour de la présidentielle. Et il y a aussi le fait que les personnes âgées, notamment celles dans des maisons de repos, qui votaient pour beaucoup par correspondance, souvent les gens âgés ont peur de solutions jugées à tort ou à raison aventureuses et préfèrent une relative stabilité. Et d'ailleurs, on le voit en France, où le Front National a toujours obtenu des scores moindres dans les classes d'âge les plus âgées. Alors évidemment, c'est une proportion, c'est une moyenne, hein, mais ça reste quand même globalement vrai. Et puis il y a le fait aussi des Autrichiens résidents à l'étranger qui en général sont moins nationaux. C'est vrai un peu pour tous les pays, les nationaux oui, qui s'expatrient. Je crois que c'est une fraction assez faible des 885 000. C'est vrai, mais comme ça s'est joué à pas peu de choses près, à 31 000 voix. C'est ridicule. Mais quand même, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'on constate quand même que dans ce genre de choses, on a l'impression de revivre ce qu'on a vécu depuis plusieurs décennies. À chaque fois qu'il y a des élections au scrutin majoritaire à deux tours, il est exceptionnel. Que ce qu'il est convenu d'appeler à tort ou à raison la droite populiste ou le mouvement populiste, les mouvements populistes nationaux, patriotiques, en Europe l'emportent. Moi j'ai souvenance par exemple en 1988 Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret, Jean-Pierre Stirbois, les principaux dirigeants de l'époque du Front National s'étaient présentés dans les Bouches-du-Rhône à Marseille et dans sa périphérie, puisque Jean-Marie Le Pen avait obtenu son meilleur score un mois plus tôt au présidentiel dans les Bouches-du-Rhône, et au second tour ils ont tous été battus, parfois d'extrême justesse, hein, je crois, Stirbois, Marignane, Vitrolles à 49,7, 49,8, Marie-France Stirbois quelques années plus tard, à Dreux, 49,87. Oui, mais elle avait été élue une fois, dans une partielle, c'était l'affaire des foulards de Creil, et il y avait une abstention très forte, mais on constate que lorsqu'il y a une mobilisation importante du corps électoral, que les médias, qui plus est, s'en mêlent, même si la diabolisation en Belgique a quand même été moindre que celle qu'on a connue en France ou qu'on a connue dans d'autres pays. Hein. En Autriche, elle a été moindre au sens où il n'y avait pas de front républicain déclaré explicite, voilà, comme c'est le cas en France. Rien n'interdit de penser qu'il s'est fait tacitement quand même. Oui, et d'ailleurs, que, il y a eu à titre personnel. Quand en 1981, Chirac n'avait pas ouvertement appelé à voter pour Mitterrand, mais les consignes avaient été données à tous les cadres des partis. Absolument, donc, oui. Et puis les conservateurs furieux d'être coiffés. Mais il n'y a pas eu de la division qui est quand même pas la même en Autriche, au sens où le FPO a déjà participé, tant sur un plan régional que national, à des coalitions. Donc il est quand même plutôt moins diabolisé, quand même, que, même s'il l'est partiellement, il est quand même moins que l'est le Front National en France, ou que le sont les mouvements patriotiques en Allemagne ou autre, quand même. Bon, il est quand même moins dans la sphère politico-médiatique. C'est exact. Alors pourtant, tout de même, on peut dire que même en France, le plafond de verre peut sauter au point de vue local. Par exemple, on a vu Marion Maréchal Le Pen et Gilbert Collard qui sont... On peut penser C'était des triangulaires, mais c'est donc dans le cadre du scrutin uninominal à deux tours. Mais je parle en cas de duel. En cas de duel, c'est quand même exceptionnel. Il y a eu quelques cas de municipalité, Vitrolles notamment. Mais c'est quand même très rare. C'est difficile à l'échelle d'une commune. Au bout d'un canton, c'est encore plus difficile à l'échelle d'une circonscription et que dire à l'échelle d'une région ou d'une nation tout entière. Et est-ce que vous pensez les uns et les autres que le système le recule pour mieux sauter? C'est-à-dire que en gardant la pression comme elle le fait, est-ce que aux prochaines élections législatives, le FPE ne va pas faire un bond encore plus fort? Sauf que les législatives, ce n'est pas un scrutin majoritaire en Autriche. Oui. Proportionnel intégral, je ne vois pas le FPÖ, même s'il progresse, à lui tout seul, pouvoir faire 50% des suffrages exprimés. Par conséquent, soit il y aura une coalition entre lui, soit il faudra qu'il s'agrège à une coalition. Je rappelle que c'est ce qui s'était passé en l'an 2000, le gouvernement Chu seul, et qui avait été un désastre pour le FPÖ, qui avait d'ailleurs conduit à une scission menée par feu George Haider. Et la droite nationale ou populiste autrichienne avait été quand même assez durablement affaiblie. Bon, depuis, elle s'est relevée. Mais il faut dire aussi, pour être tout à fait exact, que comme c'est généralement le cas dès qu'un mouvement progresse dans l'opinion, comme il progresse mais qu'il échoue quand même à arriver au pouvoir, il a tendance à vouloir se recentrer, à faire des concessions. Et c'est le cas du FPÖ, comme des autres mouvements en Europe. Et de ce point de vue-là, son programme a quand même été... Bon, d'abord, quand il était au gouvernement, où il a renié toutes ses promesses en 2000, mais même là, bon, il y avait juste un refus d'accepter de nouveaux migrants, mais il n'y avait quand même pas un programme, comment dirais-je, très radical, il faut bien le dire, sur la plupart des points. Et j'ajoute quand même que le FPÖ a voté... Parlement, comme le Vlaams Belang d'ailleurs en Belgique, la loi anti-révisionniste, après laquelle par exemple Wolfgang Fröhlich est depuis 10 ans derrière les barreaux. Hein, il faut quand même pas l'oublier. Ah, ça c'est une chose, mais la question portait sur les changes de comment dirais-je, de progression du FPÖ. Vous n'avez pas de... Pas spécialement d'avis, sinon que le flux des migrants continue et que c'est évidemment un facteur qui renforcera d'une façon... Et qui rendra, et qui, même si le FPÖ arrivait au pouvoir, rendrait sa mission encore plus difficile. Le temps est... temps galope et l'immigration aussi. Alors, il faudrait peut-être ajouter un mot sur Van der Bellen, qui est quand même un monsieur dont la famille n'a pas cessé de bouger depuis les Pays-Baltes. Enfin, c'est un nomade, comme dirait Jacques Attali. C'est un nomade qui est anti-national, qui a fait des déclarations sur le drapeau autrichien il y a quelques années qui sont quand même scandaleuses. Ce qui est, qu'on puisse élire un président de la République de ce type montre l'état de réélection de l'esprit public européen, et puis voilà, c'est tout. Mais comme le disait Jean-Marie Le Pen, les verts, c'est comme la pastèque, c'est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Oui, c'est rouge, mais du plus mauvais rouge. Enfin, la première fois où Michel Rocard s'était adressé à l'armée française, c'était pour se vanter d'avoir été aux côtés des Fellaha pendant la guerre d'Algérie. Ce sont tous les mêmes. Je crois franchement qu'il a au moins le mérite d'être honnête et sincère dans ses déclarations, parce que pour ce qui est de détester les souverainetés nationales et de les vendre à un globalisme de plus en plus évident, il est très loin d'être le seul. C'est quand même la majorité des hommes de pouvoir qui, sans affirmer de détester leur pays, sont en train de les démanteler. Oui, et puis c'est vrai. Et il faut dire que ça commence à porter ses fruits, parce qu'on parle de l'Autriche où la réaction populaire ne parvient pas à gagner. Mais comment dirais-je, Camille a tout à l'heure évoqué le cas de Londres. D'ailleurs, quelqu'un vient de me dire, je lis ce message d'auditeur, le premier acte du maire musulman de Londres a été de se prosterner devant le monument de l'Holocauste. C'est exact. Et il est clair que partout, ça pète, quoi. Qu'un maire de Londres soit pakistanais et musulman, veut dire que c'est la faute. Il avait fait des déclarations très musulmanes il y a quelques années, donc il est obligé, lui aussi est obligé d'en rajouter. Voilà. Chacun met de l'eau dans son vin. Le peuple est encore plus otage. Oui. Ah oui, c'est vrai. Parce que plus un dirigeant a à se faire pardonner, et plus il fait des concessions et des abdications et des réputations dans l'autre sens, et plus c'est le peuple qui est au lien. Oui. Juste un mot sur Ceausescu. C'était une boutade, mais je crois qu'il faut quand même dire qu'il vaut mieux être en Autriche où on peut encore parler malgré les verts qu'en Roumanie. Oui, on a le droit de rire. Disons-le. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il faut dire qu'en Angleterre, il faut dire que le candidat conservateur à la mairie était catastrophique. Ce ne sont pas les mauvais gens, les Goldsmiths. Le père militaires. Non, le... Et, mais enfin, ils ne sont pas de taille à... Qu'ils s'occupent de finances. Voilà. Et de financer des mouvements souverainistes comme voilà. Philippe de Villiers. Mais voilà. Il était très pro-israélien, hein, le candidat conservateur. Oui. Oh, ben, tiens. Oh. Et ça, le problème, c'est qu'on est pris entre deux. Vous voulez me faire parler manière, de lobby, entre deux lobbies. De toute manière, il était aussi, presque aussi, il a des attaches avec une Sikh, sa mère, sa sœur s'était mariée avec un Pakistanais. Enfin, il n'y a pas plus cosmopolite oui. que la famille Goldsmith. Vraiment, vraiment, oui. Imran Khan. D'ailleurs, sa sœur s'était convertie à l'islam. Carrément. Oui, absolument. Oui. Donc, Alors qu'ils sont d'origine juive. Enfin, par le père, le grand-père, le grand-père. Oh là oui, ça, c'est un nom pareil. Un nom, enfin, ils viennent d'un ghetto de Würzburg, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin. Alors, on va complètement changer notre fusil d'épaule et on va venir en France. Alors, avec la loi travail, moi, je ne sais pas ce que je dois en penser de cette loi travail. je sais qu'elle empêche tout le monde de travailler. De travailler. Ça, mais à part ça, quelqu'un a-t-il quelque chose à dire sur la situation sociale et les grèves, ou pas? Si personne n'a envie d'en parler. Oh bah c'est quand même, je ne sais pas si ça va mieux, comme s'en félicite Hollande, mais enfin, il paraît que le chômage continue à régresser. Si la situation continue comme ça, je pense que le chômage repartira, parce que des petites entreprises peuvent difficilement... supporter. À Fos, il y a 29 navires dans la rade de Marseille, il y a 29 navires pétroliers qui font des ronds dans l'eau parce que ils ne peuvent pas s'approcher de Fos. Enfin, le Total menace en disant qu'après tout, ils n'ont pas besoin de raffinerie en France, qu'ils peuvent en avoir à la frontière allemande ou à la frontière belge. C'est ce qui m'étonne d'ailleurs. Il y a une pénurie. Nous sommes allés hier à Bruxelles. Il y a une pénurie dans énormément de stations d'essence d'ici de Paris à la frontière. Oui. Et puis quand vous passez la frontière, évidemment, en Belgique, il y a de l'essence. Il n'y a absolument aucun problème. Et il n'y a d'ailleurs pas la file d'attente dans les stations. Il y a la libre circulation des personnes et des biens, à ce que je sache. Rotterdam n'est pas loin. Anvers est encore plus près. Ce sont les principales plateformes d'importation pétrolière, il y a des raffineries, il y a tout ce qu'il faut. Et comment se fait-il que le pétrole n'arrive pas par là? Moi, je reste très étonnée. Il arrivera très vite et il arrivera par Gênes à la place de Marseille. Oui. C'est justement, enfin, de même que les dockers CGT ont tué Dunkerque. Tous les ports, pas seulement. Tous les ports, mais enfin, Anvers et Rotterdam ont explosé bien après l'étranglement de Dunkerque. Oui, oui. Non, mais les scandaleux que des minorités prennent en otage le pays entier, son économie. De la part du gouvernement, il y a quand même une volonté de laisser faire, parce qu'on pourrait prendre des mesures énergiques pour faire en sorte que cela cesse. Hein. Et c'est là qu'on voit qu'on est véritablement dans un état où règne le désordre, la chenille, le chaos. Alors moi, la question que je me pose, est-ce que c'est le désordre ou est-ce que c'est volontaire? Parce que le calendrier de la loi travail a été... ils en avaient la maîtrise, hein, Valls et Hollande. Donc, si c'est de la provocation, ils sont en train de remettre en scène la CGT qui était moribonde. Oui, absolument. La CGT avait encore dans l'énergie 50% de syndiqués il y a quelques années. Maintenant, ils sont à moins de 20%. Donc, le secrétaire général de la CGT, plus personne ne savait son nom depuis Le Pen, là, qui s'est fait refaire son appartement. Donc, ils sont en train de remettre en scène quel serait l'intérêt de Hollande? Parce que la gauche, si elle fait un gros score à la présidentielle, c'est très mauvais produit, a priori. L'intérêt est beaucoup plus idéologique que ça. Pendant qu'on parle de quand on met le focus sur la question sociale, on ne la met plus sur la question immigrationniste, tout simplement. C'est-à-dire qu'on déplace le problème d'une véritable un véritable drame de l'invasion sur un pseudo problème social. C'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux. Qui est créé de toutes pièces. Oui, parce que cette loi travail absolument ne signifie rien. Rien. Elle n'a aucune efficacité. Elle a été complètement détricotée, complètement vidée de sa substance. C'est une manière de bastonner, de faire des problèmes de sécurité actuellement. Il y a des bastons à chaque manifestation. Je crois que pour moi, le gouvernement Hollande provoque systématiquement. Et il y a l'intérêt dialectique de la révolution, en outre du désordre qui peut toujours être... Enfin, rendez-nous la 4e République avec Jules Moc. Rendez-nous Jules Moc, voilà. Rendez-nous Jules Moc en 47 et 48. Ah oui, c'était un dur, Jules Moc. Bon. Il faut dire qu'il avait quand les grèves, et la CG et insurrectionnelle avaient été réprimées. D'ailleurs, il y a eu des morts. Mais enfin, ça a été réprimé pour plusieurs années, en tout cas. Pour reprendre. Les syndicats n'ont plus bougé jusqu'en 63 avec la grande grève des mineurs de Gaulle. Voilà. Ça fait 16 ans de... À peu près. Voilà. Bon, ben oui, je crois moi, que ce qu'on est en pleine stratégie de l'affrontement et de la provocation de la part du gouvernement. Et puis FO était... C'était créé FO, dont la situation était particulière, avec les liens entre... Bergeron et les États-Unis. Mais je me rappelle, Madiran, quand il y a eu de grosses grèves dans les transports, dans l'énergie, il y a quelques dizaines d'années, j'étais déjà présent, et Madiran avait pour analyse, qui me paraît très juste, le poids et le pouvoir des syndicats qui tiennent l'énergie, ils sont absolument puissants, même minoritaires. Mais malheureusement, ça, c'est un héritage du gaullisme. C'est le Yalta français de 1944-45, quand on donne l'énergie à Marcel Paul, la presse, les transports à des ministres communistes. À l'époque, il y a les charbonnages. Qu'ils deviennent les comités d'entreprise, deviennent des États dans l'État, et des pompes à finances extraordinaires pour le Parti communiste. C'est un héritage de Gaulle. Libération et de Gaulle. Juste un mot pour dire que ce qui m'intéresse beaucoup dans cette affaire, c'est que la presse russe, notamment la presse russe anglophone, internationale, présente la répression française comme une espèce de dictature tyrannique contre les ouvriers. C'est fascinant. C'est-à-dire est-ce que ce sont des vieux réflexes? Est-ce que c'est une continuité. En tout cas, il y a une sorte de soutien évident des grévistes cégétistes contre cette police tyrannique et répressive. Alors que ça fait bien longtemps que... La propagande n'a pas cessé avec la chute de l'URSS. Rappelez-vous les fameuses photos de la Pravda après... au moment de Noël, je ne me souviens plus dans quelle année, la queue chez Fauchon. Ah oui. Et les Parisiens faisant la queue pour s'acheter du pain. Oui, absolument. Mais oui. Est-ce que quelqu'un... on va parler un peu religion, parce que pour avoir des avis très différents, je vous demanderai simplement de ne pas aller trop loin dans la critique des uns et des autres. J'aimerais bien que vous nous parliez du cardinal. Comment dit-on Burke en français? Alors, évidemment, sur Radio Courtoisie, on se méfie, mais je dirais quand même Burke. Burke, parce que sur votre blog, vous faites des choses très bien, et vous parlez-en un peu de ce. Alors, en fait, nous étions à Rome pour ce qui s'appelait en anglais le Rome Life Forum. Donc, je mets 3 €, je les reprends en traduisant le Forum pour la vie à Rome. Vous ne les reprenez pas? Donc une réunion qui s'est tenue, cela a commencé avec les synodes sur la famille, qui ont largement choqué un très grand nombre de catholiques, parce que ces synodes n'ont pas voulu affirmer de manière claire la doctrine catholique du mariage et ont abordé essentiellement des questions dites controversées, la communion au divorcé remarié, les unions homosexuelles, la reconnaissance du concubinage, etc. Alors pour des catholiques, c'est quand même important. Et dans la foulée de ces affaires, une coalition s'est créée, la Voix de la Famille, Voice of the Family en anglais, qui réunit des initiatives laïques de défense de la doctrine catholique traditionnelle. Et alors, à cette réunion, pour la troisième fois, le cardinal Burke était présent et nous avons eu la chance de pouvoir l'interviewer chez lui, dans la foulée de cette réunion, non pas pour le pousser dans ses retranchements, parce que je crois que nous sommes dans une situation extrêmement compliquée où il y a une réelle irritation, une réelle interrogation face à ce qui arrive, ce qui sort de Rome, et notamment de la plume et de la bouche du Saint-Père, du pape François, avec son exhortation sur le mariage Amoris Laetitiae qui pose d'énormes questions. Nous ne voulions pas pousser le cardinal dans ses retranchements, parce qu'après tout, il dit ce qu'il veut, et comme il veut, et au rythme qu'il veut, mais nous voulions quand même avoir un petit peu son avis sur ce qu'un catholique peut faire face à des textes qu'il trouve extrêmement dérangeants. Alors je pense à Maurice Laetitiae, je pense bien sûr aussi à au dernier entretien du pape François dans la croix. Il a tenu des propos absolument ahurissants sur l'État chrétien, sur l'islam, sur le colonialisme. Sur l'esprit de conquête de Saint Matthieu. Voilà. Et là encore, Nadine Morano a été très bien. Oui. Alors, elle est bien, cette fille. Sans vouloir tomber à bras raccourcis sur le pape François, le chrétien moyen, le catholique de conviction a tout de même des doutes. Et le cardinal Burke nous a très clairement dit que ce pape François, à la différence de ses prédécesseurs plus lointains, Paul VI y compris, avait tendance à parler beaucoup à titre personnel. Paul VI, nous disait le cardinal Burke, même quand il rédigeait, quand il avait prononcé une homélie et que celle-ci était mise sur le papier pour être conservée, bien sûr, parmi les documents pontificaux, il la faisait réviser trois fois pour voir si elle était bien conforme à la doctrine catholique. Il n'en va pas de même pour le pape François, qui tient énormément de propos qui ne relèvent pas, nous expliquait le cardinal Burke, du magistère. On pourrait dire des propos de table. Ce sont des propos de table, des tweets, très libres, y compris des tweets, des propos sur un ton très familier, à tel point, dit le cardinal, que parfois on se demande même ce qu'il voulait dire, ce qui va quand même loin. Et il dit, les catholiques, oui, les catholiques ont parfaitement le droit de critiquer, d'analyser. D'ailleurs, ils sont outillés pour ça, puisque la doctrine, s'ils connaissent leur catéchisme et s'ils connaissent la doctrine de l'Église, eh bien, ils n'ont qu'à faire le travail eux-mêmes. Alors, bien évidemment, la situation des catholiques est en ce sens compliquée et inhabituelle, mais pas tout à fait inconnue, puisque du temps de Saint Athanase, on a eu, alors là, ce n'est pas le cardinal Burke qui nous l'a dit, on a eu des situations extrêmement graves du point de vue de la doctrine. Alors, les non-croyants diront, est-il tellement important de s'interroger sur la divinité du Christ, ou encore sur le fait de savoir s'il a une ou deux natures, est-ce qu'il est important de savoir si un divorcé remarié peut communier? Ben oui, c'est important, parce que c'est un ensemble, c'est un tout, ça se tient très bien. C'est important du moment qu'on se dit catholique, voilà. Tout simplement. Voilà. Si on est bouddhiste, il n'y a pas de problème. Alors, cet entretien du cardinal Burke que j'ai passé en anglais sur un site pro-vie qui s'appelle LifeSite News et simultanément en français sur mon blog, eh bien nous en sommes sortis. Vous pouvez me faire tout de suite un chèque de 200 euros. 200 euros, vous savez, ce n'est pas ce que je gagne avec mon blog, à savoir zéro, qui va me permettre de le payer. Mais vraiment, cet entretien nous a rassérénés et nous a montré que l'Église, comme le disait Chesterton, est peut-être un navire qui coule, mais une fois qu'il est coulé, on s'aperçoit que c'est un sous-marin. Et que donc nous avons tout de même les promesses de la vie éternelle pour cette Église que le Christ a fondée, et toujours des prélats, des cardinaux, des prêtres, des laïcs qui sont prêts à se mobiliser pour ça. Alors franchement, cet entretien, je vous invite à le découvrir parce que nous y avons retrouvé un cardinal Burke soucieux certes, mais disant très sereinement les choses, qu'avec respect, un grand respect de la fonction pontificale et de la personne du pape, on peut très bien dire ce qu'on pense. Oui, il ne me semble pas qu'on puisse dire, pardon Jeanne, qu'il s'agit simplement de propos privés ou de propos de table, parce que Amoris Laetitia, c'est une exhortation apostolique officielle. Lorsque François donne des interviews, c'est celles qui ont fait scandale au début de son règne, à un journaliste athée italien de gauche, ou lorsqu'il le fait à la croix, souvent ce sont des interviews qui sont relues, qui sont pensées. En plus, l'occupant du siège de Pierre n'est pas un imbécile, c'est quelqu'un qui est lettré, et qui sait le poids de ces déclarations, y compris le poids médiatique et les conséquences que cela peut engendrer. Et je rappelle que les commentateurs expliquaient que le pape s'exprime dans son magistère ordinaire tous les jours, lorsqu'il tient des discours publics, lorsqu'il donne des interviews, et qu'il peut rappeler des choses relativement aux mœurs et à la foi qui sont extrêmement importantes. Et d'ailleurs, par exemple, Pie XII, c'est au cours d'une allocution où il recevait des sages-femmes qu'il a tranché la question de la régulation naturelle des naissances. Donc, c'est dire qu'il me paraît quand même un peu difficile de défendre cette position-là. C'est comme, je crois, des gens qui m'avaient dit sur un forum, oui, mais lorsque François s'est fait photographier avec des homosexualistes militants au Paraguay, il a rencontré, il n'est pas responsable des photos qui sont prises. J'ai dit, c'est se moquer du monde. C'était un rendez-vous qui était prévu dans son agenda avec des responsables là, LGBT. Donc, je crois que c'est la grande phrase de Bossuet que j'aime répéter toujours, qui me paraît très importante, c'est que le plus grand dérèglement de l'esprit, c'est de voir les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles qu'on voudrait qu'elles soient. Et malheureusement, il faut bien avoir conscience que ce que nous vivons au Vatican depuis maintenant plus d'un demi-siècle, c'est une véritable révolution, une subversion. Alors je vois que Martin Pellier s'inquiète. Je vous coupe simplement pour poser une question. Voilà, je suis là pour poser une question. Est-ce que je suis d'accord avec vous que le pape François est loin d'être une andouille, et je crois que le cardinal Burke n'est pas non plus un crétin. Mais je n'ai pas dit ça. Je veux dire simplement ceci, c'est que vous avez raison. Il y a une stratégie du pape François qui me semble claire, et il y a ce qu'on appelle le magistère ordinaire. Mais le magistère ordinaire n'a pas une autorité telle qu'on ne puisse pas en discuter, c'est le devoir du laïcat chrétien dont parlait souvent. Il faut ajouter ceci. Voilà, comme le dit le cardinal Burke dans son entretien, certes, ça s'appelle une exhortation apostolique, et donc on peut imaginer que c'est intégralement du magistère ordinaire. Alors ce que cela contient de conforme à la doctrine, sans aucun doute, c'est du magistère ordinaire, mais le pape lui-même prend la précaution de dire, dans les premières pages de ce document, je vous livre ici également des réflexions personnelles. Donc, dans la mesure où il le dit, eh bien prenons-le au mot. Il est clair qu'il y a une volonté de faire avancer les choses dans un certain sens, et moi je constate qu'il y a une évolution de l'Église post-Vatican II, qu'on va appeler Église conciliaire, qui va vers l'anglicanisme de plus en plus, puisque François a évoqué la question du diaconat des femmes. On voit les questions plus qu'ambiguës volontairement équivoques. C'est comme ça toujours que les modernistes procèdent, hein, l'équivocité volontaire. Vatican II, c'est ça. Donc on avance par les petits pas, la politique des petits pas, le fait accompli, etc. Bon, le double discours, l'équivocité volontaire, on connaît ça. Bon, eh bien, je constate que de plus en plus, on va vers une évolution à l'Église anglicane, et moi je suis convaincu que d'ici quelques décennies, je suis prêt à en prendre le pari, on aura des ordinations de femmes, on ordonnera des hommes et des femmes ouvertement homosexuels, etc. C'est l'évolution des choses, c'est l'évolution de Vatican II. On va par étapes, de même qu'il y a une révolution, la devise de la révolution liberté, égalité, fraternité est entrée, j'allais dire, dans le sanctuaire, avec la liberté religieuse, l'égalité avec les collégialités, la fraternité avec l'écuménisme libéral qui embrasse toutes les religions, promeut la laïcité de l'État, mais sur le même plan l'erreur et la vérité. Et ce qui était vrai sur le plan doctrinal, mais également sur le plan moral et disciplinaire aujourd'hui. Voilà. Et donc, après, à chacun d'en tirer ou non les conséquences. Voilà. Il est 20h07, 8h07, comme vous préférez. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée, dans sa deuxième partie, le club de la presse, avec Jeanne Smith, Jérôme Bourbon et Camille Marie Gallic. Et on parle du pape François, de Vatican II, et il y a une réflexion d'un auditeur qui veut faire plaisir à Jérôme Bourbon. Pour Jeanne Smith, contrairement à ce que vous dites, l'actuel pape n'a pas tenu de propos extravagants. Il a réaffirmé la doctrine moderniste. L'avantage avec François, c'est qu'il dit tout haut ce que les hérétiques modernistes pensent tout bas. Oui, c'est brut de décoffrage. Voilà. Voilà. C'est plus que ça, puisqu'il est quand même en contradiction directe avec, avec Jean-Paul II sur Denon et Benoît XVI et tous les prédécesseurs sur la question de... Oui. Sur de nombreuses questions. Il y a eu des affirmations de doctrine qui étaient parfaitement normales. Et moi, ce qui m'a énormément frappé dans l'exhortation à Maurice Laetitia, c'est un certain nombre de citations à contre-escient, si je puis dire, notamment de Jean-Paul II et de Gaudium et Spes, document de Vatican II, qui parlait de la régulation naturelle des naissances et qui, pour le coup, en parlait correctement dans le cadre du mariage. Et cela a été détourné pour parler en gros, je caricature énormément, mais c'est ça, du droit des époux qui ont divorcé et qui sont avec quelqu'un d'autre, d'avoir des relations avec cette autre personne pour conserver la fidélité. Enfin, on arrive à des absurdités qui n'étaient pas possibles, me semble-t-il, dans des documents ecclésiaux avant notre beau 21e siècle. Enfin, à Vatican II, on avait quand même déjà des choses assez inouïes, hein. Sauf que c'était fait de manière plus subtile, mais il y avait déjà des poisons dans les textes, hein, c'est évident, sur un plan doctrinal. Alors là, on va... Parce que je vois que Camille ne s'intéresse pas trop à la question. On la lasserait si on faisait un débat sur l'herméneutique de la continuité, l'herméneutique de la rupture. Donc, on va passer... Je partage tout à fait le point de vue de Jérôme Bourbon. Je pense qu'il s'agit d'une machine de guerre à l'intérieur de l'Église. Enfin, j'ai oublié son nom, je crois que c'est le professeur Cozzoli, professeur à l'Université pontificale du Latran, qui avait été saisi depuis que la loi sur les mariages homosexuels a été votée en Italie récemment, sans que l'Église d'ailleurs ne s'émeuve beaucoup, semble-t-il, des mères voulaient pratiquer l'objection de conscience. Et ce professeur a dit que c'était indéfendable. Ah, d'accord. Non, mais je vois très bien. Certes, la confusion, nul ne niera que la confusion est extrême. On parlera d'une autre fois, mais c'est quand même sous ce règne que très probablement va se faire la régularisation canonique, entre guillemets, de la fraternité Saint-Pie-X. Ça, Bruit, c'est une question d'un auditeur. Que pensez-vous du bruit, et presque une certitude, de la réintégration de la fraternité Saint-Pie-X par. Monseigneur Fellé a convoqué un chapitre général pour fin juin, dans un hôtel suisse qui doit décider de donner ou non son aval aux propositions venant de Rome. Très probablement, il faut toujours être prudent dans ce genre d'affaires, enfin, il est très probable que cette fois-ci, il réussisse, qu'il avait failli réussir en 2012 et ce qui avait échoué finalement. Alors c'est un processus qui est assez ancien puisque voilà maintenant près d'une vingtaine d'années que le supérieur général de la fraternité Saint-Pie-X essaie de trouver un arrangement avec le Vatican et on arrive au terme de ce processus qui aura duré un certain nombre d'années. Ce n'est pas lui faire un jour que de dire qu'il a procédé de manière assez gaullienne dans cette affaire, en utilisant le double discours, la ruse, la duplicité, pour parvenir à ses fins, puisque vous savez que la Fraternité Saint-Pie-X, à l'origine, il y a une quinzaine d'années, était quand même très hostile dans sa majorité à un accord avec le Vatican, voyant notamment la crise qu'a eu la Fraternité Saint-Pierre en 1999, et voyant l'évolution des choses. C'est-à-dire que la crise ne cesse de s'aggraver, la crise de la foi, et on le voit avec Bergoglio aujourd'hui de manière encore plus flagrante. Et c'est pourtant, semble-t-il, aujourd'hui que va se faire cet accord. Beaucoup s'en réjouissent. Personnellement, je ne me réjouis pas du tout. Je n'engage que moi. Je ne veux pas engager d'autres personnes là-dedans, mais parce que je pense que ça va augmenter le confusionnisme et que je crois que si cela devait se faire, je crois qu'encore une fois, cela prouvera que la crise de la foi est encore plus importante que celle qu'on pense, parce que ça prouve que les convictions et la foi qu'on est censé porter, ne sont pas aussi importantes que cela. Ce qui me semble que le combat contre le modernisme, ça me paraît comme un combat absolument essentiel. Et je ne crois pas qu'on puisse, faire des compromissions avec l'erreur et l'hérésie. Alors contrairement à vous, Jérôme Bourbon, je ne pense pas que la fraternité saint-pidiste, dont je ne suis pas véritablement proche, vous le savez sans doute, mais je ne pense pas qu'il fasse une compromission avec le modernisme sur le plan de la reconnaissance de leur appartenance à l'Église. Ça, je crois que c'est seulement une bonne nouvelle et leur donnera peut-être la possibilité de renforcer ce mouvement d'opposition qui est réel dans l'Église à toutes les folies que nous voyons actuellement. Cela a conduit à des divisions internes assez importantes, puisque Mgr Williamson est exclu, il y a des prêtres qui sont partis ou qui ont été exclus. Enfin, on pourra en parler longuement, Les deux opinions sont claires, aussi bien de la vôtre, Jérôme, que celle de Jeanne. Je dirais volontiers, l'expérience tranchera, nous verrons. Oui. Nous verrons je souhaite que vous ayez tort, mais je ne suis pas sûr que vous y êtes. Mais c'est même si comparaison n'est pas raison, j'ai le sentiment qu'il se passe un peu à la Frère Saint-Pédis ce qu'on a connu au Front National depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire une évolution, un recentrage. Y compris sur la question juive, sur la question de la doctrine, sur le politiquement correct. Bon, voilà. Enfin, alors, bon, je veux dire, Monseigneur Fellet, c'est Marine. Alors. Je le pense. Ça me paraît abusif. Moi, j'irais jusque-là, personnellement. Enfin, il faudrait le développer. Il faudrait que l'Église soit un parti politique, ce qu'il n'est pas. L'Église conciliaire, c'est ça. On arrête sur ce sujet. Et on vient justement au Front National. Qu'est-ce que vous pensez des purges, Camille, actuellement? Où en sont Bruno Gollnisch, Marie-Christine Arnautu, etc.? Est-ce que les suites du 1er mai permettent à notre ami Philippot d'asseoir définitivement son emprise sur... J'espère que, en tout cas, pour le moment, ça a l'air... je ne sais pas ce qui sortira de l'affaire Arnautu, qui me semble, je trouve qu'elle s'est fort bien conduite. D'ailleurs, l'année dernière, aussi, elle avait été parmi ceux qui entouraient Jean-Marie Le Pen quand il avait déposé sa gerbe. Oui, mais de toute façon, elle est très fidèle et je trouve que à notre époque, c'est une qualité qui doit être encouragée. Parce qu'il faut noter qu'il y a eu quand même des propos qui étaient quand même très, très significatifs, qu'on n'a peut-être pas suffisamment abordé le 1er mai, où Sophie Montel, qui est une des dirigeants du Front National, a dit carrément que le Front National, je cite, était favorable à la sanctuarisation de la contraception et à l'avortement libre. Et elle a parlé aussi du droit des femmes à disposer de leur corps. À ma connaissance, mais Jeanne Smith, qui connaît mieux ces sujets que moi, je parle sous son contrôle, il me semble que c'est la première fois que le Front National, de manière aussi explicite, disons, tient un discours que ne renierait pas l'extrême gauche, les mouvements les plus féministes comme le MLF ou l'extrême gauche trotskiste d'un féminisme exacerbé qui, à mon avis, non seulement correspond bien sûr à la pensée profonde de cette personne qui est proche de Florian Philippot, mais aussi de Marine Le Pen, puisque Marine Le Pen a dit dans son discours « Tu as raison Sophie », mais également... Elle avait été très proche de Vial aussi. Mais, oui, tout à fait, mais elle est très, très carriériste, mais très habile, je veux dire, très habile. Elle a toujours choisi bon cheval. Je trouve quand même que pour une médiéviste, ça l'affiche mal. Enfin, et je suis d'accord avec vous, Jérôme. Oui, ça a été dit de manière violente et extrême, mais ça n'est pas nouveau dans le Front National. Ça n'est certainement pas nouveau. Contrairement à ce qu'on nous dit, il ne me semble pas qu'il y ait là l'annonce d'un changement de ligne. Non, c'est plus une radicalisation. C'est une radicalisation de l'expression, mais pas de la réalité. Pas de la réalité, puisque dès 2002, Marine Le Pen s'était fait connaître en disant « Je ne suis pas d'accord avec le programme de l'époque du Front National mettant en question l'avortement libre et même son remboursement. » Et Marine Le Pen elle-même a parlé du droit à l'avortement à la suite de Florian Philippot. Il me semble que là, le programme est... Ce qui est doublement aberrant, parce que... Le programme, les idées à la tête du Front National... Ce qui est doublement aberrant, bon, c'est aberrant évidemment sur le plan moral, qui est le plus important, mais même pour un mouvement qui se dit patriote, d'un point de vue politique et démographique, c'est quand même aberrant, sachant qu'il y a 220 à 230 000 avortements par an, c'est-à-dire autant que d'immigrés qui rentrent, et que ça depuis 40 ans. Enfin, je veux dire, on favorise objectivement la politique de grand remplacement lorsque on se prononce pour la banalisation de l'avortement. Mais Marine a dit qu'elle ne croyait pas au grand remplacement. Oui, ainsi que Florian Philippot. Oui. Ils ont d'ailleurs tensé Robert Ménard, le maire de Béziers, qui avait parlé à propos de l'élection d'un maire pakistanais mahométan à Londres, du grand remplacement qui avançait. Pourtant, il suffit de prendre le métro, le bus, pour voir que le grand remplacement... D'aller à la Gare du Nord. D'aller à la Gare du Nord. Mais alors je vous fais part de l'objection d'un auditeur. Et il a raison, mais je ne vois pas comment y échapper. J'écoute attentivement les commentaires sur la politique et je comprends entre les lignes que vous êtes résigné, vous êtes convaincu que le système droite gauche est pour l'instant indestructible, puisque c'est vrai que finalement le Front National se rallie à certaines des valeurs, entre guillemets, du système. Donc, la culture de mort. Et il me semble d'ailleurs que le Front National doit son avancée actuelle à ce ticket d'entrée qu'il a payé. C'est enfin, évident. Hein. Je crois que c'est vrai à depuis 2005. À l'humanisme maçon, disons les voilà, choses. Avec disons les choses clairement. Noms, parce que c'est quand même plus simple. Hein. Mais alors, que faire? Non, je ne crois pas qu'ils doivent... Parce que la dédiabolisation, de toute manière... n'est pas quelque mal que se donnent Marine Le Pen et Florian Philippot pour dédiaboliser le parti. Ils n'y parviennent pas toujours. Enfin, la presse leur reste hostile et apparemment, ils ne trouvent aucun concours financier pour la double campagne de 2017, puisqu'elle a lancé un SOS à 45... banques étrangères. C'est-à-dire que quand on a Valrente Saint-Just comme trésorier, on n'est pas dans la... Bon. Et quand même, le Front National a un important financement public qui reste parfaitement... La question de la campagne présidentielle et surtout des législatives, c'est très lourd. Votre question, c'est est-ce qu'il reste une diabolisation? Mais il peut rester une diabolisation mineure et qui est différente de la diabolisation majeure. C'est-à-dire que le Front National d'aujourd'hui, il sent mauvais, bien sûr. Il est un peu nauséabond, mais il peut être... compter comme roue de secours du système. Et puis on voit Philippot matin, midi et soir à la télévision. Moi, je suis impressionné. Alors c'est vrai que c'est plus sur les chaînes d'info, mais quand même, je dirais, il est quand même invité quasiment tous les jours. Moi qui en regarde beaucoup, c'est quand même impressionnant. On peut pas dire qu'il y a, de ce point de vue-là, un boycott médiatique. Non, il n'y a pas d'omerta. Je me demande si la vision incessante de Philippot... est un atout pour le Front National. Mais c'est pas un mauvais débatteur. Il est mauvais sur le fond, mais il me paraît pas mauvais spécialement sur la forme. Il est un peu gna-gna. Pas le charisme de Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen aussi a un charisme, il faut le lui dire. Oui, mais Marine est meilleure que Philippot. Bruno Gollnisch est meilleur que Philippot. Une chèvre est meilleure que Philippot pour moi. Je le trouve totalement dépourvu de charisme. Il a un physique très insignifiant, un regard mort, enfin... C'est l'image des politiciens d'aujourd'hui. Oui, justement, il est en plein dans le moule. C'est un énarque qui n'est pas sorti dans la botte, enfin... Qui n'est pas un énarque courageux, on en connaît. Regardez Jean-Yves Le Gallou, voilà un énarque qui est courageux, qui a des idées, qui a des convictions. L'autre, je le trouve niais. Quand il dit, par exemple, que la question de la royauté a été tranchée, si j'ose dire... C'est un bon mot. C'est un humour qui est quand même un peu facile. Il n'est pas unique dans ce... Il a beaucoup de compétiteurs. Mais il est nul. Je ne sais pas si ça sert... Si ça sert tellement le Front National, Vous croyez que la nouvelle stratégie des médias contre le Front National... Pense d'abord qu'on montre beaucoup le Front National, les gens se lassent. Ouais. Et qu'on montre beaucoup Philippot, ne me paraît pas servir le Front National. D'accord. En tout cas, moi, je trouve qu'il est en cohérence avec ses positions chevènementistes. Il défend des positions de gauche, voilà, chevènementistes, voilà, sur tous les plans, ouais, y compris sur la loi travail, sur tous les sujets. Moi, je trouve que, et de ce point de vue-là, il a quand même une charpente intellectuelle sans doute limitée. Je crois que c'est Jean-Claude Martinez qui avait un bon mot. Il avait dit, il a aussi, excusez-moi pour l'expression, il avait dit, il est aussi con et étriqué que Chevènement. Et je crois que c'est assez bien vu. Mais non, mais c'est méchant parce que Chevènement est moins con. C'est assez bien vu. Mais il faut ajouter aussi que beaucoup de personnes qui votaient Front National jadis pour un autre corpus doctrinal, si je puis me permettre, eh bien continue de soutenir le Front et de le justifier. Il y a la flamme, il y a le nom. Donc voilà, il y a la flamme, le nom, et puis l'acceptation d'un mouvement qui a viré à gauche. Et nous-mêmes. Et moi, je me pose la question. Mais nous sommes tous pollués. À la prochaine présidentielle, pour qui vais-je voter? Moi, ça fait des années que je ne vote plus personnellement. C'est une question que je me pose. Chacun fait ce que bon lui semble. Moi, je ne vote pas sans hésitation. Moi, je sais que je voterai sans hésitation. Enfin, moins que. Mais c'est surtout, voilà, en fait, des sorties question, comme celle de Philippot ou celle de Sophie Montel, je les trouve tellement sottes. Oui. Et enfin, gratuites et improductives. Enfin, je ne vois pas. Ce sont des genuflexions, uniquement. Oui, voilà. Ça ne sert à rien d'autre. Voilà. Avec aussi, quand même, d'un point de vue interne, avec une conviction, quand même, et avec en plus l'idée, quand même, d'attaquer Marion Maréchal. Ça, c'est très clair, puisqu'ils ne s'en sont pas cachés, d'ailleurs. Oui, d'accord. Mais alors là, je crois, comme Camille, que c'est contre-productif. Et que ça fait énormément de bien à Marion. Oui, mais je pense être attaqué par Philippot. Oui, sauf que je pense que très probablement, c'est au Front National, il y a toujours des guerres. Il y a eu la guerre Le Pen-Maigret, etc. Moi, je suis convaincu que dans les années qui viennent, il y aura une guerre Marion-Marine. Hein. Ça, je suis prêt à la parier. Alors, sans doute pas avant 2017, mais dans les années qui viennent, en 2022, enfin, dans les années qui viennent, elle me paraît programmée. Hein. D'ailleurs, tous les échos qu'on a en interne montrent qu'il y a une tension de plus en plus forte entre les deux femmes. Il y a une querelle d'ego, d'ambition, et puis en plus, la stratégie et même les idées ne sont pas exactement les mêmes, puisque au fond, Marine Le Pen, c'est plutôt la gauche, et Marion Maréchal, ce serait, disons, le RPR d'il y a 30 ans, quoi. Voilà, en gros, c'est ça, pour faire simple. Bon, donc, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, enfin, comme tout ça n'étant pas très consolant, comme disait Lacroix jadis, c'est pas consolant. Pour les lecteurs, pour les auditeurs, je voudrais quand même dire que le Front National a eu un assez joli succès à l'élection partielle de Nice. Que Estrosi ayant rendu son écharpe de député pour frapper par le cumul des mandats, avait pris la fille d'un de ses meilleurs amis, qu'il a fait déjà de conseillère municipale, conseillère départementale, il l'a prise donc comme pour être candidate à sa succession, en étant lui-même suppléant. D'accord. Et il s'attendait absolument, il avait eu 63% en 2012, et il s'attendait à l'emporter dès le premier tour. Or, il a quand même eu que 47%, c'est énorme, mais en tout cas, il n'a pas eu le premier tour. Et les deux partis, le Front National a progressé de 10 points avec 31%. Et la gauche, les deux partis de gauche, le Front de gauche et le Parti Socialiste, sont effondrés à 7%. C'est très bien, ça, quand même. Ben voilà, c'est une bonne nouvelle c'est de temps en temps. C'est une bonne nouvelle, malgré tout. De temps en temps, il faut quand même en donner. Malgré tout, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent national et qui se sont déplacés pour battre et se choisir. Voilà. Quels que soient les défauts des grands candidats du Front National. Alors, on va changer complètement de sujet. Il y a des prix Nobel scientifiques français et une médaille Field, donc la médaille Field... récompense un très bon mathématicien qui ont écrit. Vous savez pourquoi il n'y a pas de Nobel de mathématiques? Ah non, je ne sais pas. Ah, c'est une affreuse histoire, oui, rappelez-nous. Alors, moi, c'est ce que m'avait dit un mathématicien, c'était monsieur Paul Malliavin de l'Institut, qui me l'avait dit, parce que l'épouse de Nobel avait un amant mathématicien. Donc il y a eu des prix Nobel pour toutes les disciplines, sauf Pour les maths. Les mathématiques qui rendent luxurieux. Bon, donc, les prix Nobel français et médaille Field ont écrit à Mme Najat Vallaud-Belkacem, qui est ministre de l'Éducation nationale, parce qu'elle ampute le budget de la recherche. C'est tout de même assez grave, c'est-à-dire que, ce ne sont pas des budgets énormes, mais qui sont quand même très utiles. On a l'impression que la République n'a pas besoin de chimistes, qu'elle n'a pas besoin de latinistes ni d'hellénistes non plus. Et on a aussi l'impression qu'elle n'a pas besoin d'instituteurs qui savent écrire le français. Parce que on a vu sur la toile une affaire de d'où elle sort, je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir me le dire. Ah, je l'avais noté, en effet, c'était dans une banlieue quelconque de Paris. Saint-Denis, il me semble. L'éducation nationale recrute des instituteurs qui ne savent pas écrire le français. Alors, ça n'est pas nouveau, Martin. Je vois régulièrement parents, des amis qui sont parents de jeunes enfants qui le mettent imprudemment dans l'enseignement public ou privé sous contrat et qui sont obligés de corriger des professeurs. Donc ça n'est franchement pas nouveau, mais je pense que ça a pris une dimension encore plus importante. C'est peut-être directement lié d'ailleurs au recrutement de 60 000 enseignants. N'est pas nouveau non plus. Non, n'est pas nouveau. Ça n'a cessé de baisser, mais tout a baissé. Et d'ailleurs, il y a je viens de voir une information selon laquelle le niveau des élèves de 5e en orthographe et en français aujourd'hui équivaut à celui des CM2, donc de la 7e il y a une dizaine d'années. Donc la baisse de niveau dont on se plaint depuis l'Antiquité, eh bien, hélas, elle est réelle. Et je pense qu'il y a des montées et puis des chutes. Et personne n'a pu l'endiguer, parce que quand on a eu comme ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos, latiniste, agrégé, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Mais ce qui est vrai, c'est que les instituteurs d'aujourd'hui, les professeurs, sont maintenant d'une génération qui a elle-même été élevée au pédagogisme et donc qui n'a pas appris la grammaire française ou qui a désappris à lire. Là, je vous invite vraiment très, très chaleureusement, si vous ne l'avez fait, à lire le livre d'Elisabeth Nitz qui s'appelle « L'école des illusionnistes ». Parce qu'il dit tout. C'est un livre qui est sorti en 2002. Il avait obtenu le prix Enseignement et Liberté. Et dans ce livre, elle explique comment la manière d'apprendre à lire et surtout la manière d'apprendre à la grammaire fait que les jeunes ne parviennent plus. D'une part, à penser dans leur tête, ce qui est, moi, je ne voulais pas le croire, mais je l'ai constaté en travaillant avec des enfants, les méthodes pédagogistes actuelles font que les jeunes apprennent beaucoup par l'image, essentiellement par l'image, très peu par les mots et la raison, et un certain nombre d'entre eux ne s'entendent même plus penser dans leur tête. Donc, comment voulez-vous qu'une génération formée à cette sauce puisse apprendre quoi que ce soit aux jeunes d'aujourd'hui, aux petits qui arrivent en classe aujourd'hui? C'est impossible. Eh bien voilà, c'est de quoi nous rendre encore moins de bonne humeur. Il est 20h30, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée. En cette deuxième partie, c'est le club de la presse avec Jeanne Smith, Jérôme Bourbon et Camille Gallic. Et il est temps de faire une petite pause publicité pour annoncer la fête de Radio Courtoisie. Dimanche 12 juin à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 12 juin de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux, offrez des livres dédicacés. Retenez, dimanche 12 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrecher, métro porte de Champéret. Entrée 5 euros, gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation, et pour les personnes de moins de 26 ans. Il est 20h31 et nous reprenons cette deuxième partie avec un petit tour maintenant à l'étranger et Camille qui aimerait nous parler de la révolution culturelle chinoise, c'était il y a 50 ans. Oui, C'est-à-dire que je voulais en parler parce que absolument personne n'en parle. C'est un anniversaire qui a été occulté en Chine et les médias français, en tout cas, ont suivi. Il n'y a quand on pense au déluge de films, de documentaires, de reportages sur la Seconde Guerre mondiale. Oui. Là, c'est quand même la révolution culturelle chinoise, ça n'est pas rien, parce qu'elle a essaimé d'Amérique latine avec le sentier lumineux jusqu'aux Philippines, au Népal. Les maoïstes sont restés au pouvoir jusqu'en 2012 et il y a quand même le Cambodge, le Kampuchea démocratique qui est un des... Un des génocides les plus importants du XXe siècle. C'est quand même 20% de la population cambodgienne, oui. Au moins, selon l'hypothèse basse. Et puis, il y a toutes les métastases intellectuelles. Et le génocide intellectuel français. Et le génocide, alors justement, on rejoint ce que vous disiez sur... la baisse de l'enseignement et donc la baisse du niveau. Et c'est un héritage là aussi, parce que les maoïstes, les Mao-Spontex qui paraissaient, c'était pittoresque, c'était amusant. Mais sont partout. Enfin, quand même, Jesmar, cofondateur de la gauche prolétarienne, a fini... inspecteur général d'académie honoraire. Et oui. Il est inspecteur d'académie. On pourrait tous les citer, nos grands philosophes. Voilà, Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, même Finkielkraut. Et Cohn-Bendit n'a pas été maoïste. Il était libertaire, il n'était ni trotskiste ni maoïste. Mais Benny Lévy, enfin, qui a ressuscité Lévinas et qui a jeté Sartre dans les bras de Mao. Oui. Enfin, c'est énorme. Au cinéma, le rôle tenu par le producteur Marine Karmitz, c'est énorme. Oui, il y a toute une nébuleuse maoïste, enfin, ou même s'il n'était pas toujours maoïste, qui était admirateur de la révolution culturelle, c'est clair, et de Mao. Et qui a formé l'esprit politique français depuis... Ah ben ça fait depuis 50 ans. Simon Leys, le Belge, avait sorti les habits neufs du président Mao, il y a eu une cabale contre lui. Il voulait être maître de conférence à Paris 7. Ça a été barré par des universitaires dont... Domenac, sévit toujours, qui est chroniqueur à la Croix, un autre type qui est devenu directeur de l'école française d'Extrême-Orient. Enfin, donc, ça a été profondément implanté. Ces gens-là, on se met. Et ils travaillent en réseau. Et Badiou, enfin... Tous. Mais il y a eu un mot d'ordre en Chine de ne pas commémorer. Voilà, il y a eu un mot d'ordre. Il y a eu un mot d'ordre. Et nos médias se sont ont suivi que Libération ignore, enfin que Libération issue du journal La Cause du Peuple, organe de la gauche prolétarienne, ignore pratiquement la révolution culturelle, c'est grandiose quand même. Mais c'est grandiose et ça s'explique très bien, parce que si effectivement on la commémorait, on dessinerait cette galaxie. Et on verrait justement comment elle a pris le contrôle, la maîtrise du paysage intellectuel français. Et donc parce que là, j'avais pensé à ce sujet pour ma chronique de présent qui paraîtra vendredi. Et en fouillant, c'était encore... Bon, mes souvenirs étaient un peu anciens de 1966, mais enfin, c'est comme les deux ressources. C'est abyssal, pierres, là, c'est abyssal. Une pierre, on en trouve encore deux autres. Voilà, ouais, voilà. Et alors qu'en Chine, en réalité, la révolution culturelle a parfaitement gagné et que le marxisme, le communisme reste parfaitement à l'ordre du jour. Chez nous aussi. Le Laogai, alors maintenant, on envoie des corrompus, ou en fait des corrompus. Les corrompus qui ne sont pas les corrompus qui ne sont qui ont gagné plus d'argent que le copain qui est au parti. Enfin, tout est resté en place. Alors, on continue. Et les responsables Khmer Rouge n'ont jamais été jugés. Vraiment jugés. Les procès ont été renvoyés parce qu'ils étaient malades. Enfin, et parce qu'ils s'excusaient aussi. Oui. Ils se repentaient. Donc, les dirigeants des pays de l'Est, d'ailleurs. Il y en a qui sont. À part en Allemagne de l'Est, peut-être, je crois qu'il y a eu. Honecker est parti au Chili, puis il est mort d'un cancer. Le seul qui a chopé quelque chose, c'était ce brave Ceausescu, dont on parle. Mais ça, c'était une révolution grand-chevienne, ça s'en. Oui, c'était un coup des services. Mais il faut dire que ce qu'on lui reprochait, ce n'était pas d'être communiste, c'était d'être national communiste. C'était très intéressant. Il avait d'ailleurs interdit l'avortement. Oui, c'est assez intéressant. Il avait d'ailleurs interdit l'avortement à un moment donné. Ça a dû être très court, parce qu'au contraire, la Roumanie a eu une politique d'avortement. Dès Anna Paucher, l'avortement, parce que justement, dans les pays communistes, on ne pratiquait pas la contraception. On poussait les femmes à avorter pour qu'elles soient fichées. Parce que c'est en Russie, en 1920, je crois, le premier pays qui a légalisé l'avortement. Mais en Roumanie, dans un premier temps, mais je crois qu'après, il était revenu, mais pour des raisons exclusivement démographiques, évidemment pas pour des raisons morales. Hein. Mais effectivement, sans doute... Et il y avait en réalité une forte incidence, une forte prévalence de l'avortement dans ce pays. Alors, on va continuer notre tour d'horizon étranger par l'Espagne. Et par la Murcie, parce que Jeanne, vous avez penché sur l'enseignement dans les écoles, y compris privées et hors contrat, dans l'enseignement sexuel. Alors, l'éducation sexuelle dans la communauté régionale de Murcie, vous savez que l'Espagne est divisée en régions autonomes, et bien très récemment, la semaine dernière, si je ne me trompe, une loi a été votée localement pour imposer l'éducation sexuelle à la diversité sexuelle dans toutes les écoles. Donc, toutes les écoles, ce sont, comme vous le disiez, Martin, les écoles publiques. Le système espagnol n'est pas très différent du système français sur le plan des écoles privées, hors contrat, privées sous contrat et publiques. Et maintenant, dans toutes les écoles, il devient tout à fait obligatoire d'enseigner la diversité sexuelle, à savoir la possibilité de choisir son genre indépendamment de savoir si on est homme ou femme. Alors ça, c'est une tyrannie. Non pas de choisir son gendre, mais de choisir son genre. Déjà, c'est très mal de choisir son gendre. Alors, son genre, vous imaginez bien. Mais c'est une pratique évidemment tout à fait révolutionnaire, avec obligation de se conformer à ce nouveau faux dogme qui est pour moi l'aboutissement de l'aberration antiraciste, du soi-disant antiracisme, comme disait Jean Madiran. Et dans ces écoles, il faudra l'enseigner sous peine de perdre des subventions publiques. C'est une obligation légale. C'est une obligation légale. Et ce qui est encore plus intéressant, me semble-t-il, c'est que, bien sûr, toute la gauche, les écolos, tout le spectre de la politique espagnole de gauche libérale, etc., était tout à fait d'accord. Mais même le Partido Popular, donc le Parti Populaire, qui est réputé conservateur, eh bien, ils ont proposé quelques amendements à cette loi qui leur paraissaient un peu extrêmes. Les amendements ont été rejetés, et puis comme il faut être un bon petit soldat, ils ont tous voté cette loi. Ils ont voté, ils ne sont même pas abstenus, ils ont voté. Ils ont voté. Et là, je pense qu'il y a... C'est une petite région d'Espagne, mais c'est une image de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans son ensemble. Il y a une poussée idéologique qui va vers l'UMPS mondial. Mais pas seulement. Je pense que ça va vers une obligation de se prosterner devant cette nouvelle idéologie et qui mènera certainement un certain nombre de gens aux martyrs. Ça, j'en suis absolument convaincue. Martyr de persécution, martyr de témoignage, martyr de... À condition d'avoir des convictions chevillées au corps. Parce que comme je le disais Mais ce sont celles de la majorité, je crois, Jérôme Bourbon. Après, il y a des minorités agissantes. Regardez, par exemple, moi ça m'avait beaucoup frappé au moment du mariage entre guillemets homosexuel. Il y a énormément de Français, tout à fait sincèrement, qui ont défilé, y compris des élus, un certain nombre de maires, qui avaient signé des pétitions, parfois d'ailleurs qui sont très très actifs, très dynamiques. Mais une fois que la loi a été votée, tout le monde l'a appliquée dans sa mairie. Bon, y compris les gens qui étaient contre, je ne sache pas qu'il y en ait un seul qui ait osé risquer la destitution ou des amendes ou éventuellement une peine de prison, ce qui était d'ailleurs qu'une hypothèse parmi d'autres. Et donc, je crois que le principal... Notre principal défaut, il est en nous-mêmes, en quelque sorte, je pense. C'est qu'il y a des forces colossales à l'extérieur, mais c'est aussi sans doute qu'il y a un manque de conviction. Il faut aller jusqu'au bout dans certains cas. Si véritablement on croit qu'il y a une vérité qui nous dépasse ou des principes supérieurs qui nous dépassent, qui nous transcendent, il me semble qu'il faut essayer d'aller jusqu'au bout, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et de toute façon, c'est l'échec assuré. Je crois que c'est une décision que chacun doit prendre pour soi. Et je suis au fond d'accord avec vous, Jérôme Bourbon, mais je n'aimerais pas être à la place de ceux qui choisissent. Parce que les premiers martyrs chrétiens, c'est ce qu'ils ont fait. Sinon, l'Empire romain ne serait pas christianisé, si tout le monde avait apostasié. Oui, c'est une grave question parce que le martyr, c'est pas si facile. C'est ça que je veux non, dire. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose à son voisin. Exactement. On peut constater simplement qu'il y a une perte de conviction. C'est tout. Je ne fais que constater. Voilà, c'est tout. Et m'en désolé parce que on va toujours de plus en plus bas. Parce que le problème, c'est qu'on a toujours quelque chose à perdre. Et donc, c'est sûr qu'à partir du moment où on a quelque chose à perdre, il faut. Il y a un choix à faire. Voilà. Alors moi, je continue mon propre tour par la Suisse. Et après, j'espère que vous aurez trouvé un petit sujet étranger, Jérôme. À la Suisse, il y a une nouvelle loi qui vient d'être votée. Ce n'est pas une loi, c'est plutôt l'application de la loi. Dans un collège suisse, il y avait une dispense qui avait été donnée à deux adolescents de 14 et 15 ans, musulmans, de serrer la main des enseignantes. Parce que là-bas, en Suisse, pour montrer le respect qu'on a pour eux, on serre la main du prof. Donc, je trouve ça un peu ridicule, tout le monde serrait la main des enseignantes, eux, et pas eux, parce qu'ils étaient musulmans. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale a imposé aux jeunes Suisses donc de serrer la main de leurs enseignantes, quelle que soit leur religion. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que leur papa est un imam. Leur papa est un imam extrémiste qui fait beaucoup de problèmes. Et cet imam extrémiste est pourtant réfugié en Suisse depuis 2001. Il venait de Syrie, il a demandé l'asile. Et c'est dans les faits, on voit ce que donne le droit d'asile concrètement, ce que ça a comme conséquence sur la vie, sur le vivre ensemble. Alors, Jérôme, vous êtes allé trancher ? Non. On peut peut-être parler un petit peu des États-Unis, peut-être des primaires américaines. De Trump. Parce que peut-être. Par rapport à la dernière fois, il y a eu des évolutions assez sensibles, puisque... Vous êtes trumpiste, vous. Non, pas plus que ça. Non, mais disons, ce que je trouve simplement intéressant, c'est que je crois que c'est la première fois, sauf de ma part, que c'est véritablement un candidat qui était vraiment totalement rejeté par l'établissement républicain qui l'a emporté. Ce qui prouve que là aussi, aux États-Unis, comme en Europe, il y a quand même un désenchantement très important... une grande partie du peuple, et de ce point de vue-là, je pense que c'est un phénomène qui est intéressant, et comme en plus, c'est un milliardaire, bon, il a une relative indépendance. Il n'est que la 344e fortune mondiale. Ah oui, il n'est pas dans les tout premiers. Non. Mais ça lui a permis quand même de financer sa campagne. À côté de Bernard Arnault, il est pauvre. Ce qui d'ailleurs, je crois, sauf erreur de ma part, ne serait pas possible en France. Par exemple, admettons qu'un milliardaire français veuille se présenter à des élections, je crois que les règles de financement public ne lui permettraient pas, parce que je crois qu'on ne peut pas dépensé plus d'une certaine somme, me semble-t-il. Ah bon, Et il faudrait vérifier, je suis quasi certain de ça. Oui, oui, oui, voilà. Oui, donc ce ne serait plus possible. C'était possible encore à l'époque de Villiers, parce qu'il n'y avait pas encore ces lois, lors des européennes de 1994, ce qui avait permis à Jimmy Goldschmidt de le financer très fortement. Mais aujourd'hui, ça n'est plus possible. Et personnellement, je le regrette, parce qu'après tout, il pourrait y avoir, chez un de nos amis, quelqu'un de droite nationale ou populiste, qui soit milliardaire. Bon, on n'en connaît pas, mais en soi, ça pourrait être possible. Ou même quelqu'un venant de l'étranger. Bon. Et ce serait quand même, ça permettrait d'avoir une grande indépendance d'un point de vue médiatique, financier, mais malheureusement, parce que le problème de la démocratie, c'est que c'est une plutocratie. Si vous n'avez pas de vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, les plus belles convictions, si vous n'avez pas d'argent, vous n'existez pas. Oui, bon, le problème de Trump, c'est qu'il n'a pas beaucoup de convictions. Ça, c'est un autre problème. Bon, mais de toute façon, voilà, donc c'est ça, je trouve, qui est intéressant, parce que on dit souvent des États-Unis qu'ils sont responsables de tout. Alors, c'est vrai au niveau des élites, des gouvernements, mais je pense qu'au niveau du peuple, je pense qu'ils sont un petit peu victimes, comme le sont les peuples européens. Je crois que ce serait une erreur, me semble-t-il, de diaboliser la totalité des Américains et notamment les Blancs, qui sont encore majoritaires, mais de moins en moins, et qui voient leur pays de plus en plus s'effondrer dans tous les domaines. Et ils ont l'impression, comme nous, de devenir un peu étrangers dans leur propre pays. Et je pense que le phénomène de Trump, il y a ça quand même derrière, puisqu'il a tenu quand même des propos très musclés contre l'immigration. C'est vrai que Jeanne a raison sur le fait qu'il est... Parfois, c'est moins qu'on puisse dire, assez ambigu sur les questions sociétales. Oui. Sur d'autres questions. Sur questions, ce qu'on peut lui reprocher. Même sur les questions financières et fiscales. Mais sur le plan, s'il tient ses promesses, parce qu'il faut rester toujours très prudent en démocratie, hein, rien ne le prouve. Mais enfin, au moins sur le plan de la politique étrangère, il me paraît avoir des positions beaucoup plus raisonnables qui se rapprochent sur ce plan de celles que défendait Ron Paul il y a quelques années, globalement. C'est-à-dire une des positions, sinon totalement isolationniste, en tout cas de relatif retrait des États-Unis de toute une série de conflits et d'interventionnisme qu'ils ont eu ces dernières décennies, ces dernières années, notamment avec Bush et Clinton et autres. Et donc ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et puis surtout, il me semble que Hillary Clinton, c'est vraiment la quintessence du pire. Là, vous êtes d'accord avec Marine. Mais cela dit, tout peut arriver. Qui dit que ce serait le pire mal qui pourrait arriver au monde que ça, Hillary Clinton. Je ne peux pas lui donner tort là-dessus. Mais je lisais tout de même aujourd'hui que Donald Trump a des conseillers en politique étrangère qu'il présente comme ses conseillers face à la presse diplomatique qui sont des membres du Council on Foreign Relations, €4, le fameux CFR trilatéral. Qui n'est pas très bon. Qui sont évidemment des officines qui font la promotion ouverte, discrète ou secrète du globalisme aux États-Unis et ailleurs. Et il est soutenu par Newt Gingrich, il est soutenu par Dick Cheney. C'est quand même, il y a des ambiguïtés dans ce personnage qui ne datent pas d'hier, puisqu'il, à une époque, il finançait en parallèle et en même temps les démocrates et les républicains. Oui. Donc je reste dubitative, comme on pouvait être dubitatif devant un Tsipras qui lui-même, en Grèce, semblait devoir faire quelque chose contre l'Europe et finalement qui se plie. Il est moins antipathique que Tsipras, il n'y a quand même pas C'est autre chose. Je fais un parallèle qui n'est absolument pas une comparaison absolue. Il serait plus proche de Ross Perot et même plutôt mieux. Enfin, du moins dans les déclarations, encore une fois, je me fie aux déclarations publiques. Je sais bien qu'après, il y a tellement plus de pesanteur. Oui, mais enfin, regardez, par exemple, Jeanne parlait de Newt Gingrich, qui avait été très bien au début. Il était vraiment très ferme, et sur tous les sujets, il était très bien. Et dès qu'il a eu des ambitions nationales, il a obliqué vers la gauche. Et ça, c'est le drame d'ailleurs de tous les mouvements. Mais ça, c'est la démocratie. C'est la démocratie qui veut ça. Sinon, on échoue. Et même parfois, on échoue quand même d'ailleurs. Oui. Enfin... Alors, que faire ? Toujours la même chose. Il est 20h49. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée. C'est la deuxième partie du Club de la Presse avec Camille Gallic, Jérôme Bourbon et Jeanne Smith. Et je lis une réaction d'auditrice. Bonsoir, comme toujours, bravo vous trois, merci pour moi, pour votre franc-parler et votre lucidité. Donc quelqu'un qui aime bien tout ce qui a été dit sur La baisse du niveau en français, l'incapacité à formuler une idée et à avoir une syntaxe claire. Et Jean-Marie Le Pen me disait récemment, quand j'interviewais pour Rivarol, et il me disait qu'il pensait que les nouvelles générations ne sauraient plus écrire bientôt. Non seulement plus lire, mais plus écrire. Et je veux bien le croire, ce qu'on voit avec la généralisation du SMS, des textos, où l'orthographe est absolument effrayante. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vu qu'il y avait un devoir, je crois, en classe de 5e, qu'on a donné, où on disait de réécrire un SMS ou quelque chose de ce type. Enfin, c'est hallucinant. Bon, donc on sait qu'il y a la réforme de l'orthographe, hein, qui avait été pensé déjà à l'époque de Michel Rocard, dont on ne dira jamais à quel point il a été funeste, mais qui est aujourd'hui en voie d'application. Et on voit très bien qu'on démantèle pan après pan tout ce qui faisait quand même la richesse de la France. Et je m'étonne que le corps enseignant finalement ne réagisse pas, parce qu'il y avait quand même un corps enseignant que j'ai connu, même qui était de gauche, mais qui était quand même assez conservateur sur ces questions-là, quand même, qui était lettré. Et je ne sache pas, il est vrai que peut-être que pour une partie d'entre lui, mais beaucoup sont déformés eux-mêmes. Oui, voilà. Mais nous-mêmes aussi, on est pollués. Alors là, je, par exemple, deux réactions. Je pourriez-vous expliquer, Monsieur Trump est ambigu sur les questions sociétales. Vous ne répondrez pas, c'est moi qui vais répondre. Où est votre crédibilité quand vous utilisez le vocabulaire de l'ennemi? Eh bien, on dit sociétal parce que justement, on se laisse gagner par le vocabulaire ambiant. Et parce qu'il ne serait pas exact de dire question sociale. Voilà, ça n'est pas. Voilà, c'est ou moral et civilisationnel, c'est pas tout à fait ça. Question morale. Alors, voilà. Ça ne me choque pas. Non, c'est une précision. C'est une question de société. Ouais. De société. Oui, mais enfin, si on peut. De faits divers, de chiens écrasés. Alors, eh ben, il nous reste pas beaucoup de temps. Je sais pas, des petites choses. Pour ceux qui sont intéressés, le numéro d'écrit de Paris de mai 2016 est intégralement consacré à la totalité des interventions que j'ai retranscrites par écrit. Hein, ça a été du travail de la totalité des intervenants au banquet de Rivarol. Donc il y a la vôtre, Martin Pelletier, celle de Jean-Marie Le Pen, celle de Pierre Hillard, André Gandillon, de moi-même, d'Henri de Lesquin, bien sûr, de toutes sans exception. Et donc ceux qui sont intéressés, soit qu'ils y ont été et qui veulent garder une trace écrite, soit ceux qui n'y ont pas été et qui voudraient connaître ces discours dont le style oral a été conservé, eh bien peuvent écrire en envoyant un chèque de 10 euros à l'ordre des éditions des Tuileries. Et donc l'adresse édition des Tuileries, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris. Donc j'ai 10 euros, chèque à des éditions des Tuileries, édition des Tuileries, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris. Voilà. Bon, alors je voudrais terminer par des nouvelles qui n'en sont pas. Il y a une fusillade à Lille cette nuit, des morts par arme de guerre, intervention du RAID. Aujourd'hui, ce n'est plus une nouvelle. Alors, une petite nouvelle pour moi. C'est parce que j'ai un copain qui habite Luzy, dans la Nièvre. C'est un très charmant patelin proche du Morvan. Eh bien, ils vont mettre. L'Uzi, c'est là où est né Saint-Germain, l'homme de Saint-Germain-des-Prés, dont nous fêtons la fête le 28 mai, je le signale. Eh bien, ils vont mettre des éoliennes. Toujours, il faut toujours attaquer les éoliennes. C'est une question épouvantable. Les éoliennes, dont on ne saura pas du tout comment se débarrasser, dont d'ailleurs. Qui a un bilan écologique terrible et un bilan énergétique à peu près nul. Ça ne fait marcher que les fabricants. Et pourtant, ce sont les écologistes qui ont défendu ça à l'époque. Oui, bien sûr, mais ça dit tout sur les écologistes. Ça dit tout. Alors, une dernière nouvelle que je ne sais pas si vous l'avez vu venir, mais puisqu'on parlait de la loi travail, c'est le classement des grandes villes du monde où on travaille le plus ou le moins. Alors, Paris est en tête. Pour travailler le moins de 31 heures par semaine. Donc, on est très, très loin des 35. Et Hong Kong est en tête avec plus de 50 heures par semaine. Alors, les Chinois, ils travaillent comme des brutes. Hein, parce que quand même. Mais il paraît que notre productivité est tellement bonne qu'en 30 heures, on fait beaucoup plus de choses que les autres en 50 heures. Je voudrais terminer là-dessus parce que je trouve que la France va mieux. Il faut le dire, que nous sommes les meilleurs et que tout va bien. Éloge de la paresse. Voilà. Il est 20h55 bientôt. Vous avez écouté le libre journal de la liberté surveillée. En deuxième partie, le club de la presse avec Jeanne Smith, Jérôme Bourbon, Camille Gallic, que je remercie d'être venu, et moi-même, Martin Pelletier. Bonsoir et à la prochaine fois. Bonsoir.